Would you know my name if I saw you in heaven? Will it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stand if I saw you in heaven? I'd find my way through night and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. Time can bring you down, time can bend your knee. Time can break you up, have you begging please, begging please. Beyond the door, there's peace, I'm sure, and I know there'll be no more tears in heaven. Would you know my name I saw you in heaven? Will it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. 'Cause I know I don't belong here in heaven. Salut Titi, je parlais de toi justement. Merci pour ta carte, au fait, hein, super sympa, hein, ça a fait plaisir. Hello Titi, merci pour ta carte, bisous à Valéria. Super, dans le thème et tout. Hey, tu sais que ça doit faire au moins 5 mois que j'ai pas mis les pieds sur Ninjam. Ah ouais, ouais, je venais de demander à Grizzly justement il y a 2 minutes si t'avais vu. Allume là-bas, je peux pas me déplacer. Non, non, allume. Derrière, interrupteur. Tu mets pas de. T'as ramené une guitare de là-bas, non? Oh merde, dommage. Passer fin de...